Je dors avec l'ordinateur. C'est ma technique mathématique du bonheur. Nous démarrons à froid mais vite on se connaît, en chiffrant chaque geste, mouvement, force et poids de ma géométrie avec l'alternateur, de son viril ampli, ampli programmateur. Une panne masculine, ça vous nuit, ça vous ruine. C'est bien plus décevant qu'une panne de courant. Un homme, c'est brutal, ça grogne et ça rechigne. Et puis ça se débine quand vient l'instant fatal. Mais moi, je dors avec l'ordinateur. C'est fantastique, scientifique, le bonheur. Au bout de son vecteur, il chiffre mes désordres sur un ton monocorde s'intégrant à mon cœur. Et pour lui, tout mon corps devient tableau de bord, le clavier où il tente la performance en or. Lorsque je me sépare du radar adoré, je lui envoie d'une gare ma carte perforée. J'invente un théorème, fonctions et dérivées, intégrant mon système à ses coordonnées. Alors je rêve à mon ordinateur. Cinématique, si dynamique, à mon bonheur. Au monde au compteur bleu, je suis à tes genoux. Tu comptes à qui mieux compte à dormir debout. Jamais tes harmoniques ne me laissent languir. Au tarif domestique, tu fonctionnes à ravir. Moi, je dors avec l'ordinateur. Tous ces ampères sont nécessaires à mon bonheur. Même sur l'alternative, son courant me rend folle. Point de contraceptif à notre parabole. Inexorablement, nous empilons des gestes. Mais j'attends le moment, la quadrature du sexe. Ah, pile.